ma mère. Le featuring, Emilien, on est venu tout casser. Ma mère, j'adore ça. Ouais, j'adore ça. Ça va être sanglant, ma mère. Les collégiennes, j'adore ça. Ouh. Les maîtres enceintes, j'adore ça. Dormir en GAV, j'adore ça. Ouh. Et la foncée AP, j'adore ça. Ouh. Les dieux du stade, j'adore ça. Bande des carobards, j'adore ça. Ouh. Les shots turcs, j'adore ça. Te la mettre dans le huc, j'adore ça. Les skyblocks, j'adore ça. Quand tu me tripotes, j'adore ça. Choper des MST, j'adore ça. Fumer dans les WC, j'adore ça. Aller en buvette, j'adore ça. Laver mon urètre, j'adore ça. Diable sur la boulette, j'adore ça. Et les bar mitzvah, j'adore ça. Niquer des mères, j'adore ça. Les douze berettes, j'adore ça. Créer des pilons, j'adore ça. Faire que du sale, j'adore ça. Niquer des mères, j'adore ça. Les douze berettes, j'adore ça. Créer des pilons, j'adore ça. Faire que du sale, j'adore ça. Niquer des mères, j'adore ça. Faire que du sale, j'adore ça. Les douze berettes, j'adore ça. Créer des pilons, j'adore ça. Faire que du sale, j'adore ça. Les douze berettes, j'adore ça. Créer des pilons, j'adore ça. Niquer des mères, j'adore ça. Demi-molle, j'adore ça. Le podologue, j'adore ça. Les boîtes d'intérim, j'adore ça. Vomir en boîte, j'adore ça. Taffer au smic, j'adore ça. Sentir mes slips, j'adore ça. Les thaïlandaises, j'adore ça. Et leurs grosses kékettes, j'adore ça. Toutes des putes, c'est comme ça. Homosexuel, j'suis pas fan. Hanouna, j'adore ça. J'fume du pilon très très gras. ACN, j'adore ça. Moi, j'suis Charlie, t'es qui toi? Plus âgé, j'adore ça. J'aime servir mes dix doigts. Niquer des mères, j'adore ça. Les douze berettes, j'adore ça. Créer des pilons, j'adore ça. Faire que du sale, j'adore ça. Niquer des mères, j'adore ça. Les douze berettes, j'adore ça. Créer des pilons, j'adore ça. Faire que du sale, j'adore ça. Niquer des mères, j'adore ça. Faire que du sale, j'adore ça. Les douze berettes, j'adore ça. Créer des pilons, j'adore ça. Faire que du sale, j'adore ça. Les douze berettes, j'adore ça. Créer des pilons, j'adore ça. Niquer des mères, j'adore ça. T'es pas prêt pour cette cartouche, hein, Sarrazin.